Ah, et pour la doublette suivante, eh ben, je vais laisser la parole à l'ami Thibaut, puisque le groupe qu'on va s'écouter en ouverture de cette troisième doublette bénéficie d'un petit focus rédigé et présenté par ses soins. Et oui, même si on est sur des émissions enregistrées un peu plus tôt dans la semaine, on fait en sorte de vous proposer le contenu qu'on a commencé à mettre en place au mois de septembre 2020, à savoir l'intervention de l'ami Thibaut qui vient nous présenter ses petits focus régulièrement, mise en lumière, mise en avant. Spécifique d'un album et surtout d'un groupe. Donc voilà, avant de s'écouter le focus dont il est question, on va s'écouter un extrait du nouvel album de Dread Sovereign, excellent groupe de Epic Heavy Doom emmené par Alan, le vocaliste de Primordial. Dread Sovereign sort son nouvel album Alchemical Warfare. Il sera tout juste sorti puisqu'il voit le jour ce vendredi. Voilà, donc Dread Sovereign, on s'écoutera The Great Beast We Serve. Et juste avant ça, on retrouve Thibaut pour son focus, son premier focus d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Pour ce premier focus de la soirée, on se penche sur le groupe Eight Forest. Alors, Eight Forest, c'est un groupe ukrainien formé en 1995. Alors, ils sont plus ou moins morts courant des années 2004-2005, pour se reformer donc en 2019. Alors, reformé très partiellement, puisque en fait le groupe aujourd'hui n'est constitué que d'un seul et unique membre, Roman Saenko, qui fait tout dans le groupe, qui était donc membre fondateur du groupe. C'est également un des membres fondateurs de l'excellent groupe de black metal ukrainien également, donc Drunk, et il est également membre d'autres groupes comme Precambrian ou Rattenfanger. Alors ça, c'est des projets que je connais pas du tout. Mais bon, vu la qualité des deux projets que je connais déjà, clairement, faudra que je m'y penche un jour. Pour faire un petit historique des différentes sorties du groupe, donc ils ont sorti jusqu'ici donc un total de 4 albums. En 2001, The Most Ancient Ones, qui est déjà une petite pépite, hein, clairement il a une ambiance assez ouf, et je le recommande chaudement. Ensuite, en 2003, ils ont sorti 2 albums, donc Purity et Battlefield. Alors Purity, en soi, c'est un bon album, mais c'est loin d'être celui que je préfère, dans le sens où je trouve pas qu'il apporte grand-chose par rapport au précédent notamment, et aux albums qui vont suivre. Et Battlefield, alors je l'ai pas du tout aimé cet album, moi je me suis fait chier pendant l'écoute. Il a une ambiance un peu plus martiale, bah, comme son nom l'indique, mais voilà, un peu trop avant-gardiste, un peu trop barré pour moi. Et en 2005, ils sortent Sorrow, alors là, clairement, mon album préféré. Si je dois en recommander qu'un seul à écouter, ce sera celui-là. Il a une ambiance qui est incroyable, il y a des riffs qui sont mythiques. Enfin, jetez-vous dessus, vraiment. Hein. Et donc, en toute fin d'année dernière, ils ont sorti chez Osmos Productions leur 5e album, Hour of the Centaur, donc quasiment 15 ans après l'album précédent. Et c'est un retour en force, parce que l'album est vraiment excellent. Bon alors, il est accompagné d'une pochette que je trouve pas plus ouf que ça, qui est assez sobre, avec deux cavaliers, et puis, bon voilà, il y a deux chiens, deux archers dessus, mais bon, je trouve pas qu'elle soit très très intéressante. Par contre, le contenu de l'album, lui, il est juste génial, quoi. On retrouve vraiment ce côté étouffant, bon, avec une batterie qui pilonne tout du long, enfin, c'est vraiment abrutissant. Et assez froid aussi, alors ça, c'est sans aucun doute dû à la batterie, donc qui est une boîte à rythme. Et alors, si je dis pas de bêtises, c'est le cas sur la plupart des autres albums de Eight Forest. Mais voilà, ça joue vraiment sur cette ambiance. Ça peut plaire ou déplaire, ça c'est selon chacun. Côté chant, on a toujours quelque chose de très guttural, et je trouve que ça contribue encore plus à rendre le tout étouffant. Mais surtout, ce que je vais retenir de l'album, c'est les riffs. Enfin, on a vraiment des riffs qui sont entêtants et qui nous emportent dans cette ambiance de l'album. Et c'est le point fort à mon goût de cette nouvelle sortie. Là où, ben, côté point faible, on va quand même relever que, comme dans tous les albums de Eight Forest, c'est assez répétitif et on pourrait un petit peu s'ennuyer à la longue, malgré que l'album soit pas très long. Et pour ce soir, j'ai choisi le morceau Melanchthyony. Bon, c'est un de ces morceaux où on respire pas du début à la fin. Clairement, c'est un rouleau compresseur et ça pilonne tout du long. Et je suis complètement fan, en fait, du riff qu'on entend beaucoup, beaucoup au début et qui, pour moi, porte tout le morceau. Voilà, donc pour illustrer ce premier focus signé Eight Forest, on va s'écouter le titre Melanchthyony, extrait de leur nouvel effort studio déjà dispo chez Osmos Productions, Hour of the Centaur. C'est parti!